plan d'aujourd'hui. Assemblage requis. Suite et fin de la chronique linguistique sur la nouvelle orthographe avec Jasmine Raymond-Dréville. Et on a la chronique aléatoire de Myriam Fugère. Et on vient d'entendre Ostra avec Lose It. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis ce mercredi 11 janvier. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour, François Olivier. Et je pense qu'on vient d'avoir une bonne entrée en matière sur la chronique de Myriam qui va nous parler de résolution aujourd'hui. Oui. Ma résolution pourrait être, fais donc les backups de tes thèmes d'émission au cas où que ta clé USB ne marche pas l'ordi, tu sais. Vu que l'ordi, on a de la misère ici avec les ordinateurs. Ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est sûrement la personne qui s'en occupe. Non, c'est pas les ordinateurs le problème, je pense. Des fois, les gadgets, les accessoires. Parce qu'on a acheté des ordinateurs cette année, assez ouais, fou. Mais c'est ça. Et puis, c'est les autres, on dirait, qui sont jaloux. Ah oui? Ben, je sais pas. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui allument rarement, il y en a qui redémarrent tout seul. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est plus toi, par contre, parce que c'est ton deuxième ordinateur de suite dans deux bureaux différents. Écoute, quand tu te lèves de ta chaise, il ferme, tu sais. Moi, je comprends vraiment pas. Ça a aucune raison d'être, ça. Non. Aucune raison. Mais bon, comme une clé USB qui marche une fois sur trois, et littéralement, tu branches, débranches, branches, débranches, branches, oups, ça marche. Ça marche. C'est étrange, je trouve. Bref, la technologie, c'est du caca. C'est plaisant ce matin. Oui, aujourd'hui, à notre émission Assemblage Requis, on va avoir plein de bonnes chroniqueuses. En fait, c'est la journée Girl Power aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que t'es déguisé en fille. À 7h30, on a Jasmine Raymond-Dréville et sa chronique linguistique. Elle va nous parler de la nouvelle orthographe. C'est la troisième et dernière partie. Donc, on va boucler la boucle là-dessus. Je sais que toi, t'as bien des questions. Tu comprends pas nécessairement tout ce qu'elle dit. Et c'est normal, en fait. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Ah oh. Oh, non, mais c'est pas sa faute à elle. Non, c'est la faute aux personnes, aux cravates qui ont décidé de ces règles-là. À 8h ensuite, François. À 8h, ben oui, certainement. On reçoit Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. Oui. Qui nous parle de résolution. C'est exact. Donc, on va faire une table ronde sur les résolutions. Je sais pas si t'en as prise. Ben, plus ou moins. Ouais, moi non plus. Plus ou moins. Ouais, à part faire des backups, comme on disait. Ouais. Plus ou moins, plus ou moins. C'est même pas la première fois de ma vie que je me dis il faudrait que je fasse des backups de d'autres choses que juste mes affaires importantes. T'sais. Faut faire des backups de tout, même. Faut pas attendre à la dernière minute. Non. Non. Non, non. Non, non, non, non. On n'a pas de Yann Martel cette semaine. Non, en tout cas, j'ai pas de nouvelles à ce jour. C'est la première semaine de la session, évidemment, donc une fois de temps en temps, il nous manque des gens, mais ça va finir par se récupérer, puis on va avoir des semaines régulières, c'est ça, dans les semaines à venir. Voilà, donc c'est le plan. On a aussi, évidemment, la collection CNX plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. On va, je dirais bien, comme d'habitude, on va commencer en musique, mais on a un petit peu déjà commencé en musique, là. On a commencé. C'est un peu ça. On va l'entendre du Propofol pour continuer en musique, tiens, hein? Oh. Bonne idée. Parce que il pleut dans mon appartement. Hein? Tu sais? Ouais. Ouais. Fais surface ton toit. C'est ça. Mon appartement est dans ma tête. C'est dans ma tête. Pleut dans ta tête? Ouais. C'est plouting in ma tête. Aujourd'hui, il pleut dans mon appartement.

assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante à Assemblage requis. Oui. Mm-hmm. Bonjour. Bonjour. Puis bonjour. Ben oui, vous, là, vous venez d'arriver. Puis c'est moi? Ça. Elle arrive, elle atterrit de même, telle une plongeuse professionnelle. On n'a même pas de muffin un matin, Matt. Non, c'est ça. Hier, Anne-Julie, elle nous a mis des muffins. Vous avez des clémentines? J'ai plein de clémentines. Non. Il est encore c'est pas un muffin. C'est des fruits. Mais au milieu. Vous avez des biscuits la semaine prochaine. Là. Bon, des biscuits à moustache? J'en ai, il m'en reste encore un. J'ai ah. Ouais, mais non, ça va aller. Je pense que ça date de là, quoi, 2 mois, ça? Pas près, mon novembre. Un mois et demi. Un mois et demi. Capotez pas. Mais là, des biscuits. Capotez pas. Déjà qu'il était sec. Des biscuits au pain d'épices, c'est déjà sec. Mm-hmm. Bon. Oh, OK, c'est pas une chronique culinaire ici, là. C'est la chronique linguistique avec Jasmine Raymond-Dréville. Oui. Chronique linguistique à Jasmine. Apporte de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. Ouais. C'est vrai, ça, hein? C'est doux dans mes oreilles. C'est bon, je trouve. Donc, Jasmine, qui vient nous présenter, encore une fois, la nouvelle orthographe, là, le sujet préféré de François-Olivier, on le sait. Ouais. Oui, parce que qui dit nouvelle session dit... Nouvelle orthographe. Dit pas grand-chose, finalement, vu que je parle encore de la même affaire. Fait que, il me reste juste 2 petites règles. Là. C'est on la va quoi, commencer quatrième ça... partie, je pense, c'est ça? Ouais. Sixième? Allez, ben, calmons-nous. Calmons-nous ça l'exagération l'air, un ouais. peu. Non, c'est pas vrai. Ouais, quand même. Mais non, ça finit ce matin. Bon, OK, on parle de quoi, donc? On parle de nouvelle orthographe encore. Oui, je suis petites mini-règles. Minute. Oui. Minute. Okay. Bon, il reste 2 petites mini-règles. Puis après ça, la semaine prochaine, on fera comme si c'était le début de la session, puis on parlera de quelque chose d'encore plus cool. OK. Parce que la nouvelle orthographe, c'est cool. Oui, hein? Oui, oui. Ben. OK, 2 petites règles faciles, parce que de toute façon, j'ai un cours dans pas si longtemps que ça. Premièrement. C'est fun, ça, OK. c'est une règle qui concerne les accents. Dans le fond. Hey, caramba, non? Oui. Oui, caliente. Oui. Ça, c'est un accent, non? C'est une langue, là. C'est un accent? Moi, j'avais un accent là-dessus. Un accent et une langue. Les deux, hein? J'avais un accent québécois sur une langue. Donc? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Donc, dans le fond, en général, sur les mots où on prononce un « e » ou un « e », donc un accent grave ou un « e » accent aigu, mais qui n'était pas écrit, on va l'ajouter. OK, comme tout simple que ça. Comme dans « gélinote ». Comment? Une gélinote. Un oiseau. Wow, on dit ça souvent. En plus, on l'écrit vraiment régulièrement. Il n'y avait pas d'accent, non? Il n'y avait pas d'accent. C'était G-E-L-I-O-T-E. C'est ça. T'es bon. Parce que G-E-L, ça serait gel, sinon, c'est ça? Jolinote, mettons. Ou peut-être qu'il y en a qui diraient Jolinote. Jolinote. Jolinote. C'est Jolinote. C'est une bonne idée, ça. Ou aussi, comme dans le mot asséné. Comme dans j'ai lui asséné un coup de poing. Un solide coup de poing, là. Ben, il n'y avait pas d'accent. On met l'accent aigu. OK. C'est aussi simple que ça. Mais il faut toujours vous référer. Asséné. C'est pas un accent grave, non? Asséné. Asséné. Comment t'écris ça? A-S-S-E accent aigu-N-E-R. OK, c'est asséné. Asséné. Je pensais que c'était asséné. Mais non. Mais comme je l'ai dit, toujours vous référer quand même à un dictionnaire. Au livre de même content, là. Oui. Une retenue. Aussi. Il m'écoute. Oui. Oui. OK, une autre petite règle vraiment facile, là, qui est pas mal la dernière. Qui est la dernière, on va enlever le pas mal parce que c'est la dernière. OK. Les finales des mots en IE ou IR, comme dans quincailler, joaillier, ceux qui font des bijoux, là. Ouais, ouais. Bon, dans le fond, avant, il y avait ça finissait I-L-L-I-E-R, mais on prononce pas le dernier I. Joaillier. I-L-L-I-E-R. Tu le prononces, non? Ben, ça. Non. Ben, tu sais, comme dans, mettons. Non. Ben, en tout cas, moi, j'ai ça comme exemple. Sinon, quincailler, ça s'écrivait. Q-U-I-N-C-A-I-L-L-I-E-R, mais comme on dit pas quincaillier. On dit pas quincaillier, mais on dit joaillier, non? Ouais. C'est comme chose Jean-Pierre Coilier. Quincaillier, ça n'enlève pas son I. On l'enlève. C'est bizarre, pareil. Hein? Il est écrit là. Ah ben. On l'enlève. Fait qu'il faut le prononcer joaillier. Ouais. Ça a l'air. Joaillier. Ah, c'est joaillier. À cause des deux L. C'est joaillier, c'est ça? C'est ça. Ça rime avec briller, dans le fond. C'est pas ça a jamais été joaillier, ça a toujours été joaillier, je me dis. Ben, je pense que non, c'est ça. Eh ben. Puis, c'est ça, comme dans quincailler aussi, qu'on n'utilise pas si souvent que ça quand même, mais non, qu'on. Plus. Mettons, tu dis quin, un cahier Canada, mettons. Là, tu laisses le i. Oh mon dieu, je m'ennuie. Ouais. Ouais, presque. Fait que c'est tout. C'est juste deux petits trucs de même. C'est poche, là. Ça fait même pas 4 minutes. Ouais, ça dure 3 heures. C'est deux petits trucs comme ça. Mais là, t'as vu, Charlie, que c'est trop long d'habitude. Ben là. Ouais, mais... C'est comme un entre-deux. Ouais. Ben là, je... C'est tout pour vrai? C'est vraiment tout. Okay. Je lui ai dit que ça allait pas être long. D'autres, c'est n'importe quoi déjà, fait que... Ouais, c'est ça, on pourrait peut-être en faire une couple. Ouais, on pourrait leur en donner des conseils, des petites suggestions là, pour Mme Content et ses amis. Ben vas-y, allez-y, formulez-les. J'aimerais ça, non, mais honnêtement, c'est fini. C'est fini parce que là, on va commencer ça en douceur. Là. On est tous un peu maganés de notre dingue grosse qu'on a mangée, ouais. Non, de la dingue pas gras, mais de tout ce qu'on a mangé pendant les vacances. Là. Fait qu'on est encore en digestion. Dingue grasse, c'est pas un mot composé. Tu peux pas les mettre ensemble, nous souder. Hein, une soudure. Trésignon. Non, c'est vrai, on enlève le trésignon puis on soude. Ouais. Dingue grasse. C'est pas un quiz, c'est phobie, quelque chose, non? Mais non. Okay. Ben, bon, c'est tout. Hey, mais sinon, c'est quoi, quoi, mettons, la semaine prochaine, tu nous parles quoi? J'ai plein d'hésitations de sujets, là. Okay. Il y a Angélie qui m'a... qui se posait de prêter un livre sur... Je sais même plus c'est sur quoi. Elle m'a dit que tu ferais une chronique là-dessus, mais j'ai vraiment oublié c'est sur quoi. Sinon, je voulais expliquer le fameux E accent aigu, E-R. Ben, oui, la différence, c'est le mot du bonheur. C'est facile. Je voulais expliquer là. Ben, c'est okay, ça. OK, le son pour François et d'autres, hein? François, t'as un problème avec ça? Non, ça va bien. Oui, c'est vendu ou vendu. Mord ou mordu. Il est quand même pas pire, moi, pour les autres, alors. Ben, c'est ça. C'est tout aussi simple. Accent aigu, vendu. C'est ça. Ou il y en a qui vont dire mordre, mordu. Ou vendé quand c'est EZ. Mais ça, ça ne fera pas. Non, mais ça fonctionne. Ben, les gens pourraient dire DER. Vendé, c'est une blague. Ouais. Non, on peut avoir des trucs pour toi. À un moment donné, il faut quand même maîtriser un petit peu nos règles. C'est ça. Non, mais tu sais, non, mais pour accent aigu, ER, là. Mordre, mordu, vendre, vendu. Fait que t'allais faire une chronique là-dessus la semaine prochaine, puis là, finalement, c'est non, mais j'allais la mixer avec autre chose, mais là, demandez-moi pas de prévoir aussi d'avance que ça. Bon. Non, mais okay. Parce que non, mais pour vrai, souvent, mettons, je l'étudie ou je fais des trucs comme ça, puis je me dis, ah, je prépare les gars. Tu dis ça, accent aigu. Mais non, mais là, par exemple, je suis en train d'étudier pour mon Tech Free qui est comme le 27 janvier, puis là, j'ai plein de choses desquelles je voudrais peut-être parler aussi. Mettons des paronymes, tu sais, des mots qui. C'est quoi un paronyme? C'est un perroquet, je pense, qui dit des affaires comme ça. C'est quoi? Non, mais paronyme, c'est. T'sais, par exemple, abjurer avec un B puis adjurer avec un D, des mots qui se ressemblent vraiment beaucoup mais qui veulent pas dire la même chose. Puis que souvent, okay. Les gens vont mélanger. Le ab roller aussi. Oui. Ou le ad roller. Ou le ad roller. Ouais, c'est ça. Exact. Mais, ouais. Ouais. Okay. C'est plat, c'est vraiment. Fait qu'on a fait 3 semaines. En une chronique de 7 minutes. Non, ouais, j'allais mixer plein de choses puis je voulais les détailler plus que ça. OK. Bon, fait qu'on va dire. Mais c'est quand même dur à détailler. Accent aigu. Non, mais il y avait d'autres choses que je voulais. Hey. OK, détailler. ER ou accent aigu? Détailler, vendu, accent aigu. Non. C'est difficile à détailler, vendre. Non, mais vendre. Détailler le mot, tu sais, mettons. Le mot, juste mais là, le nom. Mais tu peux pas te dire un mot dans ta tête comme ça, puis juste comme. Non, mais dis-moi. C'est cru accent aigu. Non, non, exemple, okay. Exemple que je te regarde, je dis détailler. Ça n'est pas. Ça accent aigu. T'es donc bien détaillé, Jasmine. C'est tellement pas clair. Non, mais tu dis vendu. Vendu. Jasmine, t'es rempli de détails. Je te regarde, t'as des détails. Je suis détaillé. S. Wow. Détail avec un S. Mais c'est vrai, en te regardant, c'est vrai que des détails. Des détails. Des détails. Des détails. Au pluriel. C'est ça. Hey, je pourrais aussi parler des AIL puis qui se transforment en AUX. Puis il y a tant des exceptions à ça. Oui, comme des festivals, ça. Oui. Des chevaux. Des chevals. Ça se veut des chevaux? Non, c'est pas vrai. Ça dit pas. Un chandail des chandos? Ça dit pas. Non plus. Mais pour vrai, cheval puis cheval avec un S, c'est pas vrai. C'est parti de où ça? C'est quoi ce TVA? Je voudrais que je vous retrouve l'histoire. Un de mes profs nous avait envoyé. Ouais, c'est Jean-Luc Bourgain qui invente tout. Ouais, il est cool, man. Une Claude Poirier. Je pourrais faire une clinique. Une clinique. Une clinique Claude Poirier. Sur les. Et le bon parler de Claude Poirier. Le grand individu. Mais non, je vais trouver. Pour vrai, j'ai un courriel qu'un de mes profs nous a envoyé pour nous expliquer l'histoire de cheval et cheval. Ouais, cheval. Puis je vous reviens là-dessus la semaine prochaine. Tu le liras, tu l'imiteras en même temps. Mon prof? Ouais. Il est cool. Ben oui, mais non, justement. Mais. Non, mais il parle français de. De France. De France? De France. D'accord. C'est ça. Bon, salut, super. Ce matin. Oui, c'est bonjour. Bougaïef, ben il oui. Aime beaucoup. On entend souvent son nom, pour vrai. Il est parfait. Ouais. On l'aime. On l'aime beaucoup. Quel bon commentaire à son égard. Oui. Voilà. C'est ça. Merci, Jasmine Raymond-Drainville. De rien. Ça fut... C'est fini, la nouvelle orthographe. Bref, mais intense. Hein? Pousser des cris de joie, danser quelque chose. C'est fini, la nouvelle orthographe. Yeah! Hey! Ben, c'est pas vraiment fini, là, parce que tu parlais de nous parler de d'autres trucs. Là. C'est non, juste non, pas dans la nouvelle orthographe, c'est des vraies règles françaises. Des vraies règles là, que t'as pas encore apprises. Ça va rester sur l'orthographe. C'est une chronique sur la langue française. Ça va rester sur l'orthographe. Ça va rester avec sa Ça va rester, ça va vendre. Wow, faut vraiment qu'ils se le disent, hein? Faut vraiment qu'ils. Non, tu te le dis. Ah ouais. Tu es plus rapide que ça. Dans ta tête, là. Ma tête, c'est instantané. Comme quand tu comptes tes doigts, tu peux t'imaginer une main à la place de compter sur tes doigts, physiquement. Moi, je peux même compter avec mes doigts. T'en as pas assez? Non. Il y en manque deux. Hey! Pas vrai. Voilà, bonne session à tout le monde. T'as des beaux détails, encore une fois. Bonne journée. Des beaux détails? Oui. Mais je mime tout le temps. C'est pas des mimes que je fais, en fait, mais tu sais. Gesticule. Je fais des gestes, ouais. Des mouvements. Mais il y a personne qui les voit. Et on se créerait dans un tableau de Mario Bros. Il y a des sorties multiples à cette chronique. Il n'y a pas de fin. Ben là, tantôt, je vais la finir, mais vous dites pas la finir. Ah, ça dure 2 minutes. Ben, là, je... Salut, je suis revenu. Salut. Bon. Arrache pas ton micro. Non. On va l'entendre du Catherine Major pour toi. Oui, la première. Il faut tout le temps que je te le précise. Oui, puis tu me le mimes en plus. Hey, je suis allée acheter ce disque-là, qui est son dernier. OK. Le Désert des Solitudes. Oui. Je suis allée acheter le 24 décembre parce que j'avais rien d'autre à faire que d'aller m'acheter les disques. Loser. Là, je le pars. Oui. Je suis en train de faire un bel historique de. Comment faire fonctionner un lecteur CD, oui. Non, mais c'est dans mon ordi. OK. C'est ça. En tout cas, bref, je le pars, mais t'as dit, je vais l'écouter au complet. Puis finalement, je suis comme restée poignée bien raide sur la première tune. C'est ça. T'as écouté que celle-là jusqu'à maintenant? Mais non, mais tu sais, non, mais pour vrai, j'arrive à la deuxième, je suis non, encore la première, encore. Je dois avoir à peu près 50 écoutes dans mon iTunes, contrairement à 6 pour les autres, là. Mais c'est tout excellent, fait que go. OK, bon, ben, Catherine Major, Le Désert des Solitudes, la pièce titre. Ouais. Fais-tu d'autres mimes? Désert. On fait des mimes à Myriam. Oui. Final, oui. Myriam. Ouais. OK. Le sol est instable, il faudra s'en méfier, malgré la beauté du plancher. Le sol est instable, il faudra l'éviter, marcher désormais, c'est tomber. Dans le désert des solitudes, souvent le sable est émouvant, si les gitans ont l'habitude d'y pleurer contre le vent. Désavoue ma certitude d'un chagrin plus élégant. Si je trouvais entre deux dunes une amour morte m'appartenant. Le sol est instable, à perte de vue, à perdre pieds nus, sans lâcher ma tenue. Le sol est instable, à portée disparue, à laisser suspendu, sans dessous cœur déçu. Dans le désert des solitudes, souvent le sable est émouvant. Si les gitans ont l'habitude d'y pleurer contre le vent, je désavoue ma certitude d'un chagrin plus élégant. Si je trouvais entre deux dunes une amour morte m'appartenant. Dans le désert des solitudes, souvent le sable est émouvant. Si les gitans ont l'habitude. Qu'importe l'important est ici maintenant. Le sol est instable, mais le bonheur est patient. Contre marées et vents, ferons-nous tourner le temps. Catherine Major et la pièce Le Désert des Solitudes. Assemblage requis, hein, Jasmine? Oui. Oui, ça va-tu là? Ça va-tu là? Qu'est-ce qui va-tu là? Ça va là. Écoute, quel micro qu'il y a là? Je sais pas. Ça va avec. Qu'est-ce que vous faites? Hey! Là, on est en onde là, sur les ondes FM. J'essaie de brancher le fil de mes écouteurs. Je pensais pas causer un émoi comme ça en demandant un service. C'est un peu ça, là. Ça dépend quel micro que t'as, c'est pas ça. Pas vraiment, en fait. Toujours avec François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, Jasmine Raymond-Dréville et Myriam Fugère qui va d'arriver. Sa chronique s'en vient tantôt. Sa chronique aléatoire sur les résolutions. Yeah. Mais avant ça, on a le temps de faire une petite chronique. C'est un fait, OK? Hey, moi, j'aime ça. Yeah. Oui. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, et aujourd'hui, c'est encore une fois Quirky Edition. Hein? Comment? C'est quoi? C'est une Quirky Edition. L'édition. Ah, okay, okay, okay, mon Dieu. En français, édition. C'était pas clair. Rapido. C'était pas clair. Voilà. Donc, commençons en 2010. Le gouvernement iranien a banni certains styles, certaines coiffures nord-américaines, dont le mullet. La mienne se marche. Oh, ouais. On devrait bannir ça ici aussi. Ben, tout à fait. Tout à on devrait. Hot, c'est une excellente idée. Myriam, c'est quoi ton style chevelu? Chevelu ce matin. Chevelu dans tous les sens, je trouve. Oui. Je sais pas. Là, c'est peut-être un feeling personnel. Là. Peut-être que vous trouvez que je suis... T'as-tu coiffé comme une star? Oui, c'est ça, t'as l'air. Mais moi, je trouve pas. Chill et chill dans mon sens. C'est ça. Attends, mes yeux vont ouvrir et ça va bien aller. Décrate-toi ça. Ouais. Décrate-toi ça. Wesh. Ouais. Ensuite, l'application pour devenir astronaute, okay, de Neil Armstrong. On connaît tous Neil Armstrong. Il a posé sa candidature pour avoir le poste d'astronaute. Il est arrivé une semaine après le deadline, la date limite, si on veut. Donc, un ami a pris le formulaire, un ami qui connaissait là-bas, j'imagine, a pris le formulaire et l'a mis dans l'appel avec les autres. Oh. C'est pour ça qu'il est devenu astronaute. Imaginez, Neil Armstrong aurait pu ne pas être astronaute. Bon sang, hey, ça a été quelqu'un d'autre. Ben oh. Oui, c'est ça. Mais bon. Il s'est fait chicaner suite à ça. Je pense que personne s'en est rendu compte. Je pense mais là, on en parle. Ouais, là, mais tu peux pas y enlever le fait qu'il est allé sur la Lune, mettons. En tout cas, t'as envoyé ton formulaire en retard. Tu sais, ses amis, là, ben pas ses amis, mais les gens qui étaient dans son cours ou qui étaient avec lui, qui sont jaloux de lui, en fait, devaient rire dans leur barbe, là, puis ils ont dû dire ouais, en tout cas. Pas marché pour vrai, là. C'était en retard. C'était arrangé sur un studio, sur une scène de cinéma, cette affaire. Ouais. OK, donc, ouais, c'est très crédible. Au 19e siècle, le président des États-Unis ouvrait la Maison-Blanche au public. Il y avait une journée porte ouverte à la Maison-Blanche, quand même. Donc, c'était le jour de l'an. Il serrait la main de tout le monde qui passait. Wow! À la Est-ce Maison-Blanche. Qu'il y a eu beaucoup de monde? Ben, j'imagine qu'il devait en avoir des tonnes, ouais, j'imagine. La tradition a commencé avec George Washington, même si ses réceptions avaient lieu avant que la Maison-Blanche soit construite. En fond, il n'y a pas de Maison-Blanche à cette année-là. Et ça s'est terminé avec Herbert Hoover en 1933, mais on ne sait pas pourquoi ça a arrêté. Les portes ouvertes. Saviez-vous que si un tigre perdait tous ses poils, il y aurait quand même des bandes de couleurs sur son corps? Oh. C'est comme des empreintes digitales, ça, là, ça fait les bandes d'un tigre. Chaque animal a des marques uniques et c'est pas seulement les poils, c'est donc directement dans leur peau. Est-ce que ça pourrait être la même chose, tu crois, avec les zèbres? Ah, je sais pas, probablement. Peut-être, ou les guépards. Peut-être. Les zèbres, on peut pas avoir beaucoup de poils. Ben, c'est facile à découvrir. Juste un petit clipper là-dessus. Là. Rapidement, on verrait. Ouais. C'est tellement beau, un zèbre. C'est vrai que c'est beau. Hein? C'est vrai. Majestueux. Ah, ben là. Pas comme là. Toi ce matin, mais bon. Ouais. Ouais. Les poils aussi ébouriffés. Ouais, c'est ça, sont bien les poils pareils. Devinez le film le plus piraté de tous les temps. Titanic. Titanic. Wow, pas un temps indice. Avatar. J'aime ça, les définir gentleman. Ok, récent. Avatar. Oui, quand même. Ok, plein. Avatar. Ça a été un méchant beau quiz, ça. Je l'ai piraté. C'était le fun. J'y avais envoyé la réponse avant. Ça manquait de buzzer. Ouais, en fait, t'as compris pour 2012. Partie de mes résolutions. Équipe. Je triche plus. La salive humaine, hein? Parlons de salive, c'est beau ça le matin de parler de salive. Ça contient un antidouleur qui s'appelle l'opiorphine, qui est 6 fois plus puissante que la morphine. Ah, ouais. Dans la salive humaine. Antidouleur. Puis c'est là pourquoi tu penses? Je sais pas. Quand tu te mords. Ben, tu sais, quand tu lèches une plaie, là, tu sais, t'as l'impression que ça fait peut-être. Non, mais c'est vrai, tu lèches une. Tout le monde fait ça. Ouais. Hein, tu mets le doigt dans la bouche maintenant. Ben, c'est pas là que tu te coules le genou. Là. Oh, mais c'est juste le pour pas que ça saigne, là. Je sais pas. Ah, c'est ça, exact. Mais c'est. Comme la langue, c'est le genou, tu sais. Ouais. Bon. OK. Ah, ouais, alors ça nous soulagerait. Ben, apparemment, c'est ce que ça dit. Là. Je vais le faire plus souvent. Il y a une nouvelle espèce de crabe qui a pas encore été nommée. Coupe mon doigt, François, on va essayer. Avec un papier, ça rangeait ça tantôt. Hein? Avec un papier. Oh, non, ça fait mal. Ah, non, ça, c'est pire que tout. Hey, dans Jackass, il faisait ça ici. Ah, non, c'est pour ça que je lis pas. Ça. Sur l'œil aussi. C'est pour ça que je lis pas. Il y a une espèce de crabe qui n'a pas encore été nommé, mais qui a un surnom par contre. On l'appelle le crabe Hasselhoff. Pourquoi? Ah, oh, pas Baywatch. Oui, oh, parce ouais. qu'il a la poitrine poilue. Wow. C'est vrai, un crabe avec la poitrine poilue. On pourrait l'appeler comme ça tout court. Il est poitru, hein? Oui, on pourrait l'appeler. Il est poitru. Poiline. Il y a le poil dru. Il y a la poiline poitru. Qu'est-ce que tu disais? Il y a le poil dru. Le poil dru. Oh, wow. Bon. Ça existe, le poil dru? Continue. Oui, ça existe. J'imagine. Le zèbre, le poil dru. Il est très, très dru. à Ottawa, à deux rues, en intersection, deux rues qui s'intersectionnent, est-ce que ça se dit ça? Il s'appelle l'avenue Mulder et, Scully. Et le chemin Scully. C'est vrai? Ah ouais? Mulder et Scully qui se croisent. Ah, t'es vulgaire. Ouais, hein? C'est incroyable. Starbucks, on connaît tous Starbucks. Ouais. Okay. Qu'on le veuille ou non. Qui offre 86 000 différentes combinaisons de drinks. 86 000, je te jure. Nomme-moi les. Ben non, mais. Mais c'est parce que là-dedans, il va falloir que tu comptes sûrement genre le petit cacao, le petit. Non, mais est-ce que tu calcules le nombre de lait puis de sucre puis de. Probablement, tout dans ton café? Ben là, j'imagine. Est-ce qu'il y a des combinaisons à l'infini? Infini, ça. Ben ça oui, mais c'est pas à l'infini, il y en a 86 000, là. Chaque comment? Personne a son café. Il l'a grandé. Non, mais je me demande ce que ça inclut. C'est tout. C'est là-dedans. Est-ce que mettons, tu mets deux laits, deux sucres, là, mais il y en ça a qui mettent... Ça compte chacun pour ça une lait. Une crème, un sucre... Une demi-crème, un demi-sucre, un trois-quarts de crème, un trois-quarts de sucre. Ah, là, tu sais, c'est parce qu'il y en a ça plus que 86. Avec la vanille. La vanille? La vanille. Bon. Vraiment OK, devinez le pays qui mange plus de... Next hein? one, next one. Oui? Le pays qui mange le plus de crème glacée par personne. Un indice. Le mien. Le mien. OK. Attends, je vais finir. Non, je dis en Italie. Attends un peu, là. OK, on demande le pays qui mange le plus de crème glacée par personne comparé à n'importe quel autre pays d'Europe. Donc, en tant que tel, c'est en Europe. OK. Moi, je dis... Ben, hé, copieuse. Je sais pas vraiment d'indice à donner. Qu'est-ce qu'il y a comme indice à donner? Copieuse, c'est moi qui l'ai dit. Ben, ça dépend de la réponse. La réponse, je peux pas... J'aurais dit les États-Unis, mais c'est pas en Europe, tu sais. Je vais vous dire, variante, je vais vous dire la réponse. Devinez les indices que j'aurais pu vous donner. C'est les Finlandais. Ça commence par un F. OK. Ensuite, il fait froid de temps en temps. Il y a de la neige, comme de la crème glacée. Bon. C'est souvent. Ça coucouille vous. C'est coucouille vous. Il est pas finlandais. Peut-être. Oh, ouais. Finlandais qui mange plus de crème glacée par personne que n'importe quel autre pays d'Europe. Bon. C'était récemment le premier championnat de regarder la peinture séchée au Royaume-Uni. Le first ever World Watching Paint Dry Championships. C'est vrai. Regardez la peinture en train de sécher, ou la peinture qui est séchée? En train de sécher. C'est sur le bord d'un pot, il y a de la peinture séchée, t'as regardé. Non, c'est génial, les couleurs qu'on peut voir là, c'est impressionnant. La barouette. Entre 80 et 85% de tout ce qui est vendu dans le monde entier, est acheté par des femmes, selon une étude. Quoi ça? La moitié? Entre 80 et 85, pas vraiment la moitié, presque au complet, est acheté par des femmes. J'y crois pas. Surprenant. Impossible. Avoue que ça se peut, là. Non. Hey, vous allez tout le temps magasiner. Ouais. Non, là, j'essaie de me défendre, mais je m'avoue vaincu. Oh ouais. Perdu d'avance, pas mal. Il nous en reste un dernier. Les deux joueurs qui ont séparé le jackpot de la loterie irlandaise parce qu'ils avaient les deux choisi le même numéro de loterie. Mais là, ils n'avaient pas juste choisi le même numéro de loterie. Là. Mais en fait, oui, c'est juste ça. Il était sur mais... une billette. Mais l'explication est ce qui est différent. C'est qu'il y avait les deux utilisé la naissance, le point de... Comment t'appelles ça? La date de naissance? L'ordination. Hein? L'ordination? Je pense que c'est l'ordre d'un prêtre ou quelque chose du genre. Parce que ça parle d'un prêtre. Ouais, donc, ouais. En tout cas, je suis pas sûr que c'est ça le mot, mais ça ressemble à ça. Ouais. Bref, sa date de naissance, ça, cette affaire-là, et la date de la mort du même prêtre. Dans le même ordre. Oh, ben oui. Mais c'était un prêtre connu? Ben, j'imagine. Peut-être que c'est un prêtre connu, mais quand même, de mettre sa date c'est de naissance en ordination. C'est des choses qui Je crois pas que c'était le pape. C'est un prêtre, le pape? C'est le pape, son titre. Ben oui. Mais c'est en ordination, c'est pape. Ah, ben pas. Oh, t'as l'air tout offusqué. Ouais, comme c'était donc évident. Mais donc, peut-être que l'ordination serait prêtre, peut-être, pour l'autre gars. Je sais pas. Ça serait genre, date de naissance, le mot prêtre, et puis le nombre. Ben, c'est des chiffres que tu choisis dans une loterie. Ben, le nombre de lettres qu'il y a dans le pape. Bon. Bon, c'est ça. Ouais. OK, bon, ben ça va faire, hein, je pense. T'en as pas d'autres faits? Mais j'en ai un autre, mais je sais pas comment traduire. Échidna. Échidna. C'est un animal, attends un peu, je vais le chercher. Parce que c'est intéressant quand même. Échidna. Ça a l'air. Je vous le jure. Un échidné. J'aurais pas dû chercher ben loin. Hein. Un échidné. Bon. Donc, un platypus, c'est un ornithorynque en français. Platypus. Ah. Ornithorynque et un échidné sont les deux seuls mammifères qui peuvent produire du lait. Et des œufs. Les deux en même temps. Donc, ils peuvent faire plein de recettes, j'imagine. Ils peuvent faire des quatre quarts. Des quatre quarts? C'est des quatre quarts? C'est quoi? Ben, quatre quarts, c'est un gâteau qui est fait avec... quatre œufs, quatre litres de lait. Ouais, c'est ça. Quatre œufs, quatre litres de lait, quatre tasses de farine, quatre litres ou quatre tasses? 4 litres? Parce que 4 litres de lait, c'est du gâteau dans la barouette. Non, ça doit être 4 tasses. Tu m'as mêlé, ouais. Ben, en tout cas, quatre ingrédients, quatre portions. Après ça, tu peux le tartiner sur quatre corps. Ouais, c'est ça. Tartine ça où tu veux, mon homme. C'est pas le quatre corps. Ou pas. Tu le fais cuire avant, fait que ça s'égrène. Oh! Ça s'égrène. On préfère un concours de regarder le gâteau séché. Ben oui. Oh! Ben oui. Ou monter. Ça prend de. Oui. Tu sais, ça monte, ces affaires-là. Ben oui. C'est la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui, la une des pires à date. Ouais. C'est aussi la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On va se retrouver tantôt avec Myriam Fugère qui va être là pour sa chronique, la chronique aléatoire de Myriam Fugère. Là. On parle de résolution? Ouais. Yes. T'en as-tu pris cette année? Ben, oui, puis non, là. Vous le saurez plus tard. Je fais du suspense. Un vrai thriller. J'essaie d'être plus mystérieuse. Ça marche. Regarde, ça va dans mes yeux, tu sais. Ah, on les voit presque pas tellement complicés. Les os plus. Restez là, c'est Assemblage Requis. C'est assez fou pour l'écouter. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. C'est François Lemarchand. Salut, c'est Mathieu Plante. Jasmine Raymond de Réville est là. Et elle, c'est Myriam. C'est Myriam. Myriam. Hey, hey, yeah! On introduit toujours la personne qui vient d'arriver en dernier, c'est ça l'affaire. Hein? En même temps, c'est la plus importante souvent, celle qui vient d'arriver. Qui est arrivé en premier? En tout cas, dans mon cas. Nous autres, c'est clairement. Non, mais le premier du premier. Ah, toi? Hein? Ah, laisse faire. Adam et Ève, hein? Ah, ben Mathieu, moi je cherchais mes écouteurs. L'œuf ou la poule, oui. Ouais, l'œuf ou la poule. L'œuf ou l'argent, c'est ça? Ouais, l'argent. Non, Guy. C'est Guy. C'est Guy? Guy est cool. Mm-hmm. Je veux s'animer avec, tant qu'à ça, Marie Ledon, tant qu'à c'est la chronique aléatoire avec Myriam Fugère. Vous pouvez pas parler à côté des micros. Les micros restent ouverts. On vous entend. Elle dit pas vous, là. Je vais faire la fille que le chapeau il fait pas, là. Il me fait pas. Fait que dis pas vous. Je parlais à vous deux en même temps. C'est ouais, moi qui ai dit qu'il y a sa poignée dedans. Qu'est-ce que tu pognes dedans? Non, c'est parce que j'ai fait des. Ben, j'ai pas fait. C'est toi qui les as faites. À part les milieux de chronique, je te dirais que les débuts et les fins de chronique, c'est n'importe quoi, le mercredi. J'ai mis moi-même le petit collant sur la boîte. Non, mais en fait, c'est des légumes séchés qu'une collègue de travail, dans le fond, a apporté hier. Comment elle s'appelle? Julie! Salut, Julie! Alors, Julie, ben, des fois, elle nous écoute. Fait que ça se fait qu'elle nous écoute. Pauvre elle, hein? Oui, pauvre elle, en effet. C'est quoi un beau réveil? Non seulement elle m'endure au travail, mais en plus, elle m'écoute à la radio. Mais oui, ça serait une bonne résolution à faire, à manger plus de fruits, plus de légumes. C'est et vrai. Puis, c'est une bonne façon de les apprêter. Ça ressemble un peu à des chips, mais c'est meilleur pour la santé. Mm-hmm. Puis, c'est pas des chips pas bonnes. Tu sais, c'est cool. C'est comme... Ça a l'air bon, ça. Parce que les autres chips, mettons, il y a Yum Yum, je pense, la compagnie qui fait des chips aux légumes, là, ce qui paraît que c'est aussi gras et aussi ouais, salé. C'est des veggies, je sais pas quoi. C'est là, pas ça qu'il faut manger. Ben non. Mais en fait, l'idée, c'est que tu coupes tous tes légumes à la mandoline, puis là, tu mets ça dans ton four, mais pas, mettons, à 350. Tu mets à 100 pendant 3 heures. Ça va brûler sinon, ça. Ça va ouais. donner trop. L'idée, c'est vraiment que ça se déshydrate, que l'huile, puis le sel, hein, parce que tu t'en mets un peu, sinon ça fait. Ouais. On n'aime pas ce son-là. Hein? Enfin, bref, oui? Tout ça pour dire que ça fait partie des bonnes résolutions. Et puis, chaque année, on en prend ou on n'en prend pas. Puis, les raisons pour lesquelles on en prend, c'est bien sûr pour pouvoir commencer l'année du bon pied, peut-être faire des changements importants dans notre vie. Mais, en fait, il y en a qui sont plus cyniques, là, comme toi, je devine que tu ne dois pas en prendre. Non, c'est ça. Okay. Est-ce que j'ai l'air si cynique que ça? Ben oui, pis non, là. Ouais, ouais. Pour un gars qui, tantôt, ben, tu sais, qui tripe ses jeux vidéo pis tout ça, pis qui disait que c'est plate, les conventions de jeux ouais, vidéo, ouais, ouais. Des affaires comme ça, il ouais. y a un peu de cynisme là-dedans, ouais, je crois. Donc, voilà. Souvent, les plus cyniques savent que ça sert pas à grand-chose parce que dans 3 semaines, ça va être fini. Et d'ailleurs, là, je trouve oui. que cette semaine, c'est critique pour vos résolutions. Parce que, bon, au jour de l'an, vous avez pris les bonnes résolutions et tout ça. Vous avez eu comme le reste de vos vacances pour vous y habituer. Puis là, la session commence. Ou presque. Ouais. Non, mais pas pour vous habituer, mais pour commencer. Mettons, non, si tu décides que tu commences à t'entraîner, bon, ben là, OK, je m'entraîne. Oui, mais t'as juste ça à faire. Là, faut que tu t'entraînes, que t'ailles à l'école, que tu commences à faire tout ce que tu fais normalement. Mais je considère pas le jour de l'an, c'est une bonne date pour commencer quoi que ce soit. moi, personnellement... C'est quoi ta date, le 9 janvier, le jour où tu commences à travailler? Non, mais je sais pas. Exemple, nous autres, à chaque année, tu sais, en fait, on se loue un chalet, en tout cas, mes amis. Faut aller au ski, là. Ouais, c'est ça. Un affaire de gars. Mais tu sais, à chaque année, on se fixe comme des tacs. Tu sais, des affaires qu'on écrit, puis qu'on enfouit à quelque part, puis que genre, ah, un ouais? an plus tard... Littéralement, vous l'enfouissez à quelque part? Ouais, mais c'est ça, en fait, tu sais, c'est pas... Parce que le jour de l'an, là, c'est chaotique. C'est débile, parce que ça part mal, le jour de l'an. Tu sais, comme moi, mon jour de l'an, je veux dire, j'avais pas... Bon, qu'est-ce qu'il y avait ton jour de l'an? Ouais. Ben là, je l'ai passé avec Myriam, mais j'ai comme passé une nuit blanche avant d'aller travailler à 5h du matin. Fait que tu sais, je me sentais mal de prendre quel jour de l'an de merde avec Myriam? Non, wow. C'était le fun, mais tu sais, j'étais pas à manger pour prendre des résolutions. Comme si moi, je voulais me coucher tôt cette année, oublie ça, là. Ben non, ça a vraiment mal parti. Ouais, ben c'est sûr que ça part mal à ce niveau-là. Sauf que tu peux, l'idée peut te gérer non, le 31. Effectivement, je voulais dormir. Ou avant, tu sais, ça peut te germer en cours d'année. Puis, est-ce qu'on s'entend que des résolutions, tu peux prendre ça à n'importe quel moment dans l'année? Ben, le 2 janvier de l'année suivante, de la précédente. Quand tu lâches Tout à fait. Ben, en fait, donc, le problème, je pense, dans les résolutions, c'est justement les résolutions, le fait de le nommer. Le fait de dire, OK, ça, c'est ma résolution cette année. Puis que tu sais, vu que tu l'as dit à des gens, il y a des gens qui vont te le reprocher si tu abandonnes, mettons. Non, mais c'est mettons, ça. Si j'arrête de fumer. Et le but, c'est de pas en parler, je pense. Mais tu sais, tu le fais. L'idée des résolutions, je crois, c'est de le faire pour soi-même. Ouais, puis c'est ça. Déjà, c'est comme un souhait là, sur un gâteau t'sais... quand tu souffles une chandelle. Mais des fois, en même temps, quand t'en parles, ben ça peut t'aider à te motiver parce que les gens te motivent à l'entour de toi. Sauf que je vais me prendre par exemple, OK? Je vais me prendre. Moi, j'ai tendance parfois à lâcher quelques jurons. Et je trouve que c'est pas très féminin, c'est pas beau, c'est pas le fun, puis je vois pas la nécessité de, étant donné qu'on peut remplacer ça par autre chose. Sifflet. Et je sifflet. Bon, en tout cas, bref, j'aime ça, et je sifflet. Ouais. Bref, mais attends. ma mère, que je côtoie tous les jours, est la personne qui me regarde le plus en voulant dire à chaque fois que je sacre. Mais l'idée, en fait. T'as fusqué ou c'est vraiment juste parce qu'elle trouve pas ça beau? Ben, déjà, en partant, je pense qu'elle était bien contente que je prenne cette résolution-là, parce qu'elle m'a même pas ça quand je sais. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient exaspérant, parce que là, tu sacres, mais tu t'en rends compte toi-même, là, tu le sais. Là, c'est comme quand tu veux pas fumer, puis là, t'es en train de fumer, puis il y a quelqu'un de ton entourage qui dit « Hey, t'avais dit que tu fumerais pas? Moi, c'est ça qui me gosse. Un gros tête! » Moi, là, c'est ça qui me gosse des résolutions. C'est parce que si exemple, bon, t'as une rechute, mettons, prenons l'exemple de fumer, bon, il y a quelqu'un qui va te le noter, puis ça va te faire chier, tu sais. Puis parce qu'on sait pas, aussi, là, tu peux prendre une résolution qui te dit « Je ne fume plus », mais tu peux prendre aussi une résolution qui dit « Je vais fumer moins ». Ben oui, c'est vrai, ça. Parce que tu couches tard, t'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu sais, ça peut arriver que tu couches tard une fois de temps en temps, mais c'est en général... C'est sûr qu'il y a des occasions où tu vas te coucher tard. C'est sûr, si tu fais un party, tu vas pas te coucher devant. Ça fait à peu près 8 ans que je me... Je la prends, celle-là. C'est pas grave. C'est parce que tu m'as. Mais au moins, tu. Mais pas mal. Bon. En tout cas. Bref, l'idée, je pense que. Et burst slack. L'idée pour une résolution, c'est de commencer petit à petit. Je crois. Donc, oui, le faire pour toi. Ben oui, tu le fais pour toi. Fais-le pour toi. Non, mais il faut que tu sois convaincu à l'intérieur. C'est vrai. Aïe, aïe. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, un motivateur. Il est tellement spirituel. Preacher, alléluia. Non, mais vous pensez pas. Je sais pas. Moi, c'est on dirait. C'est quoi sa patente de prêtre, là? Son ordination. Je sais pas c'est quelle. J'ai hâte. Non, mais. je le sais, la date qui a été ordonnée prêtre. Ah, c'est ça l'affaire, OK. On cherchait la définition d'ordination tantôt. Bon. Ça me fait du bien. Et siffler. C'est quelque chose de réglé. Mais enfin, bref, c'est ça. Donc, c'est pour n'importe quoi. Tu veux te coucher plus de bonne heure, ben commence par au moins une fois par semaine que tu te coucheras pas à 3h du matin. C'est vrai. Commence par ça. Non, mais tu sais, c'est un exemple. Là. Je parlais pas de toi en particulier, là. En général. Toi, ce serait, mettons, arrêter de manger des bonbons. Tu pourrais arrêter de manger une certaine sorte de bonbons, tu sais. Arrête, sont toutes bonnes. Mais. Je lui ai dit, à manger, mettons, juste une fois par semaine. Ouais. Mais t'as gavé pendant 3 heures, c'est pas mieux. Non, c'est pas si pire, j'en mange pas vrai. Mange-en juste au palmarès, c'est fou. Parce que jeudi, tu veux que je t'en donne. Ben ouais, aussi. mais ça te ferait un beau souvenir des palmarès. Non, mais tu sais, avec les petits bonbons d'Halloween que j'ai achetés en spécial, parce que je mange, mettons, un petit mini sac par jour. Ouais. Tu sais, mettons, je passe devant mon plat, je suis comme, on va en prendre un. Cache-le ton plat. Comment par le cacher? Donne-moi-le ton plat. Je vais m'en occuper. Mais justement, en parlant de caries, il y en a qui prennent des résolutions. Ça a l'air que... J'ai entendu ça quelque part, là. Que... La... Qu'est-ce que t'as entendu? Dans une autre station de radio, c'est ça qu'elle veut dire. Ça, je savais que c'était ça. Traite. Ma résolution est d'écouter seulement C'est fou. Ouais. Non, je zappe. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Viens pas me faire quoi qu'il y a quelqu'un qui travaille à TVA écoutera pas Radio-Canada. J'espère, parce que Radio-Canada, c'est bon. Ben, ouais. C'est ça. Puis TVA, je te respecte pas de toute façon. Bon. Ouais, c'est une blague. C'est ridicule de ne pas le faire. Non. Bref. La diversité. C'est ça, diversité. J'ai entendu dire qu'une des résolutions qui étaient populaires et faciles à tenir, parce qu'on nous donne des trucs sur des résolutions faciles à tenir. Il y a la soie dentaire. Tu pensais plus souvent à la soie dentaire. Tu parlais de caries. Bonne idée. Peut-être que tu pourrais faire un rapport entre ta consommation de bonbons, ta consommation de soie dentaire. Donc, t'en manges un peu moins, tu passes un peu plus. je la passe les caries. Jours. Bon, ben, écoute, non. Bon. Passe-la 3 fois par jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, puis au lieu de, mettons, si tu veux faire un régime, au lieu de commencer à, je vais perdre 20 livres, commence par en perdre 5, puis on verra après. Non, mais comment ça faire de l'activité? Ben, c'est ça, je veux faire l'activité sportive. Non, mais trouve-toi une activité que t'aimes faire. Oui, fit. Hein? Moi, je peux pas comprendre les gens qui vont dans les gyms soulever des haltères. Hey, arrête. Il y en a qui aiment ça. Si t'aimes ça, vas-y, je te respecte. Mais peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Commence pas par là. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, je sais pas, va jouer au ballon chasseur si t'aimes ça. Non, mais tu sais, au moins, tu vas bouger. Puis tu seras pas enfermé ou tu sais. Je suis rendu qu'il y a des escaliers chez nous dans mon nouvel appartement. Ça fait que monter et descendre l'escalier, c'est bien assez pour moi. Tu vas souvent à l'épicerie, puis tu fais ça avec tes. Ouais. Tu montes, descends tes sacs en montant les escaliers. Ça a l'air moron raide, ça. Fais ça à la maison, en place de faire ça, tu marches dans la rue. Non, mais tu sais, tu marches dans la rue tant qu'à faire. Tu vas le faire. Mais tu sais, ça peut être parce que tu veux te dégourdir les bras. Mais le problème aussi avec ces histoires d'activité physique-là, tu reprends mes moves, cette histoire-là. Il embrasse ses pipes. C'est que, ouais, c'est ça, on donne des. J'ai tellement des grosses pipes, là. C'est incroyable. Avec un mot. Mais bref. Oui, c'est beau de choisir une activité, mais l'idée aussi, c'est de pas trop en choisir. J'ai fait une liste ici, là. Donc, je vais aller au gym, je vais faire du yoga, essayer la nouvelle activité de pole dancing, parce que ça a l'air que c'est juste pour les danseurs. Ça, c'est ta résolution? Non, c'est pas. C'est bizarre, là. Non, mais veux-tu rire? Il y a une fille qui est venue au café, là, je pense que c'est il y a 2 semaines. Là. Ouais. Puis, là, elle avait une espèce de tapis dans ses mains. Fait que je disais, t'arrives-tu d'un cours de yoga? Puis... on a le goût de faire la conversation là, quand il est rendu 6h-5 puis que tu finis à 6. Hein. Puis là, elle me dit « Ben non, j'arrive de mon cours de pole dancing. » Et là, ma face valait probablement 1000$. J'étais de même. Pole dancing. Ouais, c'est quand même populaire. Hein? Ben oui. J'ai des amis qui étaient en fond. Non, mais là, tu aurais vu la face à elle aussi. Là, elle dit « Hey non, attends, c'est fantastique. » C'est pas... là, elle me parlait de toute la discipline sportive qu'il y avait avec ça. Puis... pas longtemps avant, j'avais entendu. Ouh, bah, tu trouves ça le fun. Ça aussi, là, je suis pas tout seul. Ouais, les gars, vous aimeriez ça. Hein, qu'est-ce que ça aux Olympiques? Parce pourquoi que qu'il y a pas une vite discute? En avant, ça? Ça discute? Non. Mais non, oui, mais oui. Non, mais non. Alors, mais souvent, non, avoir mais ça vite, discute. Non, mais attends, ça discute dans le sens que les gens qui font du pole dancing de façon un peu plus professionnelle voudraient qu'il y ait une discipline sportive. Bonne chance. Aux Olympiques. Et le problème, c'est des athlètes. Il y en a. Oui, ben, en oui. En tout cas, ils ont la chaîne d'une athlète. Non, mais tu ris. Là, j'ai vu ça sur Internet. Ben oui, mais ça a l'air que c'est les Chinois, je pense. Les Chinois ou les Japonais là, qui. Sont bons dans tout. Sont extrêmement bons là-dedans. Là. Puis là, c'est peut-être parce qu'ils sont petits, donc ils sont pas bien lourds à monter sur le poteau. Là. Mais bref, apparemment, c'est bien impressionnant d'aller voir ça sur YouTube. Et ça existe au masculin aussi? Est-ce qu'on sait? Ben, je pense que oui, là. Ouais. Ben, en tout cas, j'ai déjà vu, moi... Mathieu avec un poteau? Un Québécois. Ouais, n'importe qui sauf. Mais tu sais, qui se tient sur le poteau, là. Ouais. Ben, l'annonce de Gillette, là, avec la crème. Ben oui, exact. Ouais. Ben oui. Mais c'est ça, ça en est du ça, du pole dancing. Tu sais, c'est sûr que t'es pas obligé de te mettre la petite musique, là. Tu sais, tu montes comme ton... Comme ça? Ah ouais. Vire à l'entour de ton poteau. Ben hier, j'écoutais l'émission Trauma, là. Oui. Je sais pas si vous avez dit. Avec la belle Laurence Lebeuf, Ben, il y en a une qui a eu un accident. Elle montait sur son pole dancing, puis pas Laurence. Elle tombe. Ouais, mais il savait pas trop si elle avait été battue ou pas. Ouais, mais là. Moi, j'ai des doutes. Manquait un bout. Elle m'est arrivée de travailler. On avait des choses à se compter. Arrête de sacrer. Hein? J'ai pas sacré. Ah, OK, maman. Non, elle m'a pas dit ça. Elle me contait qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait qui avait un perroquet qui était mort. Oh, ben, il l'a tué pour petit Minou. Là. Moi, j'avais faute de peine quand elle m'a conté ça. C'est Minou qui l'a tué? Ben non, le petit Minou, c'est le gars. Là, ah. Mais ça fait... Le gars s'appelle Minou. OK, non, je vous explique. Mettons là, qu'il s'appelle Georges, OK? Bon, mais Georges, il était chez lui, puis là, son perroquet se promène à l'air libre. Là, à chez l'air... Oui, il se promène. Puis il se perche au-dessus des portes. Donc là, il est venu pour aller aux toilettes, il a donné une swing à sa porte. Pauvre petit, il a cassé le dos de son perroquet. Ah non, mais pas de faire ça, c'est non, tellement mais vraiment, triste. Non, c'est, ça a une pointe de drôle, mais non, mais c'est vraiment triste. Imagine si tu fermais la porte sur ton chat. Non, je sais, non. Ton chat qu'il a déjà fermé dessus, c'est sûr, allez, voilà. Ah non, elle, je voulais pas qu'on embarque dans le chat. Je voulais pas qu'on embarque dans le chat. Non, OK. Ah, finalement, j'ai rien dit de ce qu'il y avait sur ma feuille. Et où ta chronique là-dedans? On parle de résolution, fait, là. Non, mais en fait, l'idée, c'est que je voulais pas qu'on. J'avais pas nécessairement des faits à vous énumérer pendant ma chronique. Je voulais simplement qu'on en discute. OK. Parce que je trouvais qu'on était bien bons dans les tables rondes. On est très, très hot. Dans pas mal beaucoup de choses, tu sais. Mettons, là, bon, là, les gars, ça a l'air que vous prenez pas de résolution, là. J'ai entendu ça ce matin. On pourrait faire facilement la blague. Moi, ma résolution, c'est 1980 par 1200. Mais c'est pas très, très drôle. Non, en effet, c'est pas drôle. Bon, alors, si t'avais à en prendre une, mettons, Mathieu, ce serait quoi? ouais. Je serais pas mal dans le moins de friandises, un peu comme Jasmine, mais ce que je suis pas mal fort, c'est chips chocolat, je sais. Ouais, c'est ah, moi, c'est juste ces bonbons. De la misère. Sur la petite grignotine de fin de soirée. Moi, là. J'ai bien la misère sur à la petite faire. Grignotine. Puis, si tu changeais ta grignotine pour un autre type de grignotine, une pomme, un fruit. Des légumes séchés, pour vrai, j'aime ça, j'aime bien ça. Des petits fruits séchés aussi, des bananes en rondelles, j'aime ça, j'aime bien ça. Il y en a, ils font des bananes plantains, c'est sûr c'est bon ça. Ben, assaisonnées. Il y en a comme épicé, ça c'est bon. Ah, waouh, ça a l'air vraiment bon. Vente ça aux végétariens, sans vouloir faire de pub. On mange aussi des petits, des genres de petites pastilles de croustillantes, je sais pas si c'est fait en quoi, mais c'est comme brun, là. Ça goûte pas grand chose, mais c'est bon. C'est bon avec de la grosse trempette. Ça goûte pas grand chose, mais je suis très trempette aussi, tu sais. C'est quoi? Des affaires qui sont bonnes pour la santé. C'est des petits genres de petites croustilles rondes, brunes, foncées. Ça goûte un petit peu pas très bon, mais c'est ça. C'est quand tu mets quelque chose dessus que ça. Que ça devient bon. Mais moins bon pour la santé, ouais. OK. Puis toi, François? Résolution, vite comme ça. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta boîte cette année? Non, mais je peux pas te dire. Ah oui, t'as pas osé dire. Non, mais trouve-en un autre. Ben, live comme ça, je dirais peut-être de prendre plus mon temps. C'est con, mais tu sais, de déstresser un peu. Non, mais pas nécessairement ça, mais on dirait que j'ai tout le temps de quoi à faire. Tu sais, mettons, je m'inscris hockey bottine, là, c'est parce que, tu sais, mettons, c'est deux soirs semaine. Et c'est ça aussi le problème avec les activités, c'est que tu veux en faire, mais tu vas en faire beaucoup trop. C'est ça, comme l'été, je joue à Balmol, mais je me rends compte qu'à Tabarouette, je suis sur le terrain à peu près 3-4 fois, 3-4 soirs semaine. Tu sais, c'est le fun de l'activité, mais j'aimerais ça, couper ça en deux. J'aimerais ça prendre le temps de t'asseoir puis de juste à limite, vivre. Peut-être être remplaçant, tu sais. Mais okay. Non, mais sinon, en tout cas, sinon, ils t'appellent pas, mais... Je serais peut-être remplacé en Balmol. Ouais. Bon. Bonne résolution, ça. Ouais. Puis là, Jasmine, là, je vois que tu ranges tes choses. C'est de réussir à l'école. Hey, je suis dormir plus. Non, mais je sais. Fait que toi, ce serait dormir plus, manger moins de bonbons. Manger moins souvent des bonbons, peut-être. Et garder une stabilité sédentaire. Ah, ça va pour la sédentaire. Mais non, mais j'y ai pas pensé, honnêtement. Ben, tu y as pensé certain. Non, mais comme... Il va me faire croire que tu n'y as pas pensé. Hésitez moins pour faire des choix, comme dans la vie. Ah non, mais pour moi. Ouais, vrai, mais là, tu as un outil, Jasmine, maintenant. Parce que Myriam m'a remis un magnifique verre pour Noël, qui est comme un espèce de verre... Ça ressemble à un espèce de slime gradué, mais au lieu d'être des quantités puis des volumes de liquide, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Ah, wow. Fait que je pose une question, je bois, puis... T'as même pas un peut-être? Non? Non. Oui, non. Cool. Une boule, c'est fini. Cette année, c'est fini, peut-être. Mais les boules en huit, c'est pas mal plus fun parce que c'est plus de choix, ça, mettons aussi. Non, mais c'est plus. Mais quoi? Non, oui, mais ça, justement, j'ai de la misère 8, à faire des choix, donne-moi-en pas plus. Ouais, c'est ça, faut pas qu'elle ait de choix. Okay. Ou des marguerites. Oui ou non? Il m'aime pas. Mais non, mais là, c'est parce que. Quoique maintenant que je prends le début, j'ai le temps de manger, je le mange pas. De quoi tu parles? Hey! Non, mais d'un sac de chips? Oui! Puis toi, ta résolution, est-ce que c'est un peu la soie dans ta brosse à dents de. Ben. Les sacs, c'est bien, en fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Oh là, t'es vraiment épais. Non, j'ai noté ici, là. Ici, je voulais parler de mes sacs, là, pis tout ça. Ouais. C'est sûr, il y a le classique, là, être plus en forme. Donc, je me choisirais une activité. J'avais pensé peut-être m'impliquer dans une activité de boxe, tu sais. Ah, ben oui. À faire comme l'entraînement d'un faire la lutte, ça t'aime pas? Juste avec toi. Ouais? Hey, mais c'est con, mais on dirait que j'aimerais ça, c'est ça. Je te préparerais une grosse frise. La WWF. Ça existe encore, ça? La WWE. Toi? Un marteau. Mais quand j'étais plus jeune, c'était la World Wrestling Entertainment. Ouais, ouais, ouais, ouais, oui. WWF. Ah, ouais, arrête là. Hey, moi, j'étais Goldberg. Ah, ouais. Non, ça, c'était dans le WCW. Ouais, ça se peut. Ouais. Hey, bien, j'ai écouté pendant le temps des fêtes de la lutte sur YouTube. Je suis inquiet, je suis con. Hey, Yokozuna, quand on doit être avec Special Enforcer Chuck Norris. Chuck Norris, c'est le meilleur match de lutte à vie. Wow. Et il est fatigué dans les pubs sur YouTube, hein. Eh, tabarouette, depuis quand ça? Tout le temps. Non, mais l'autre jour, je t'ai pas vu. Je joue à World of Warcraft. Ouais. C'est ça, l'autre jour. Je m'en vais pour chercher une toune, puis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux pas te voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Chuck Norris, d'habitude, on va le chercher dans les vidéos quand on tourne, là, un moment donné. C'est un beau conseil pour remplacer par des sacs Chuck Norris. Hey, Chuck Norris! Mais moi, j'ai beaucoup de bon sang. Bon sang, sacre bleu! Tu sais, oh fuck. Mais maintenant, j'ai oh fudge. Ah, ça, c'est ça. Ça, c'est drôle, fudge. Moi, ça me fait rire, mais je le dis plus. C'est fini? Non, ah ouais, c'est fudge maintenant. Oh oui, oui. Oh oui. Alors, en fait, j'ai dit bon sang de bonsoir ou oh non. À ma bas, j'ai dit, oh, sacré nom d'une pipe. Essaye d'y voir la face. C'est ça qui est drôle. Ouais, ça, c'est drôle. Tu vas en chercher plus loin. Ouais. Mais nous, ça développe ta créativité. Faut qu'on le dise, nous, on intègre des noms de commanditaires pour faire de la promotion, tu sais. Ouais. Des fois. Si on avait Barrick, on pourrait dire, et Barrick. Dîner de con. Ouais. Et garage grossier. Mais tu sais, on pourrait s'inspirer, rock classique. On pourrait s'inspirer du Capitaine Haddock. J'allais voir Tintin là, pendant le temps des fêtes, puis il y a vraiment des jurons cool. OK, comme. Millions de milliards, c'est un peu long, ça. Il y en a un, là. J'ai comme un livre là, avec chez nous, avec comme toutes les expressions. Ah mais ouais? je sais plus c'était quoi la plus cool. Castafiore. Non, il dit pas ça. Castagnette. Et Casse-Noisette. Il faut que je vous quitte, donc bonne. Hey, ben Jasmine. J'ai un cours. Bonne journée. Bonne journée. Hey, au revoir. Bonne étude. Ça commence aujourd'hui. Yeah! Bonne résolution. Bonne école, tout le monde. Oui, bonne résolution. C'est vrai, l'école commence aujourd'hui. C'est vrai, on l'a pas dit. On est là depuis lundi, nous. Fait qu'on s'en rend pas compte. Ah, mais l'école commence là. Ah, ben, en rafale, je vous fais une petite liste. Okay. J'en ai préparé. Tes résolutions à toi, là. Non. Là, on va se calmer les résolutions. Okay. Je vais en faire deux, trois, puis ça va être beau. Non, mais si. Tout que j'ai trouvé, là, si jamais vous voulez les utiliser, là, allez-y à votre envie. À votre guise. Donc, c'est loufoque ou ça ne l'est pas. Donc, essayez d'être une bonne personne ou la meilleure personne possible. Bon, ça, je trouve ça un petit peu difficile parce que je me dis, ben pas difficile d'être la meilleure personne. Il y en a qui sont crosseurs à nez. Non, mais pourquoi prendre cette. Tu sais, il me semble que c'est à l'année que tu devrais penser à être la meilleure personne. Ouais, mais on s'entend pour dire que tu ne l'es pas à l'année, là. Non. Si t'aurais été une meilleure personne cette année, tu nous aurais amené soit des muffins, tu nous aurais amené. Elle a amené des petits légumes séchés. Un thé. Ben ouais, mais. Ben oui, mais en veux-tu? C'est le fond de bois. Il est 8h le matin. Les graines, hein? Le fond de graines? Non, mais voyons. Pourquoi vous parlez de graines, des légumes séchés? Je sais pas. Les graines de zucchini qu'il y a dans. Non, mais t'es une bonne personne. Ouais, c'est sûr. Mais il y en a qui sont des pas bonnes personnes à la base. Ben oui. Je ne jamais ça. T'sais. Mais tu sais, où tu dis que je vais être une meilleure personne. Mais tu sais, ce qui est une bonne personne pour toi n'est peut-être pas bonne personne pour l'autre à côté. Exactement. Fait que peut-être que ta réaction à une situation, mais tu sais, c'est surtout au niveau des réactions, au niveau de ton interaction avec l'autre. Fait que si pour toi, c'est bien de dire ton opinion là, comme ça, net, frais de sexe, sans penser à l'autre, qu'est-ce qu'il pense, ben c'est parce que des fois, ça marche pas. Ouais, non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est aussi de faire des efforts, hein? Ben oui. Ouais, si au moins l'effort est là. Bon, tu sais. Non, mais tu sais, exemple, Myriam est très bougonne le matin. Non. Non. On invente des choses. Ah, c'est ça, non. Puis je suis sûr, en fait, que c'est pas le cas. Parce traumatisation. Que... Non, mais. Parce que reconstitution. T'es quand même souriante quand tu viens. Mais, ouais, c'est ça. Si c'est ça, c'est d'être bougonne le matin. Bon, c'est souriante quand tu viens. J'ai la poignée. Juste quand je viens, tu sais. Bon. Fait que là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais en fait, si d'habitude, t'es bougon. Oh, ouais, c'est ça. Non, fait... mais c'est te forcer à être moins bougon et à faire des efforts à ou... Je sais pas. On dirait que je déteste pas ça. Non, moi non plus, je déteste pas ça. Sauf que... Tu peux juste améliorer en même temps si tu prends cette résolution-là. Ouais. Dans ma tête. Ça, là, cette résolution-là, ça serait important qu'elle dure même après 3 semaines. C'est ça. Oui, c'est le fun qu'elle continue. Oui. Ouais, mais c'est parce que si tu y penses, parce que tu sais que t'as pas fait toujours le maximum d'efforts... Pour être une bonne personne. C'est ça. Au moins, t'es là. T'es quand même conscient. C'est quand même... Donc, il y a bien sûr sortir moins. Ouais. Ce qui est un classique. Ou, pour certains, sortir plus aussi. Ah, ouais. Ce qui, qui m'amène à un autre point aussi, c'est de dire plus oui aux opportunités qui s'offrent à toi. Donc, c'est vrai. Bon, ton esprit un peu. Tu dis oui... Ben, parce qu'il y a des choses, des fois, tu dirais, mais là, je resterais pas en pyjama chez nous. Ben non, viens, on va aller faire du bungee, question que l'élastique ouais. pète. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. T'as-tu vu? Hein? Ben ouais, c'est ça. Les plaies, ça. C'est plein de plaies, cette affaire. Ça a pas de bon sens. Cute, la fille. Puis, il y a aussi, bien sûr, évidemment, écoutez-moi Gossip Girl. Écoutez, comment? Écoutez-moi Gossip Girl. Gossip Girl, OK, j'ai entendu okay. la musique de Björk. C'est une farce. Non, mais moins les séries. Ben, pas en écouter moins, mais peut-être... Plus de qualité. Moins tard. OK, ouais, moi aussi. Là, tu parles de toi, là. Non. Non, on va l'appeler Myriam, mais c'est pas elle. Appelons-la Jasmine, qui s'est offert un marathon 6 pieds sous terre ouais. hier pour être sûre de pouvoir commencer sa session sans en avoir à en écouter. Économiser des sous. Puis là, je fais ma Yann Martel. Là. Ah, parce qu'il n'y a pas de chronique littéraire. Hein? On aurait pu partir de l'intro de la chronique financière, excuse-moi. Ouais, littéraire, non. Donc, c'est ça, économiser des sous, mais un truc, si tu veux économiser, en fait, c'est de se fixer un but à atteindre. Tu sais, c'est niaiseux. Ça, c'est vrai. Tu sais, si tu as un but, mettons, je pense que c'est plus facile d'économiser quand t'as ce but-là, justement. Donc, pour un voyage, pour tes études, quelque chose d'aussi niaiseux, parce que c'est... C'est sûr que c'est pas pour un gros budget, mettons, mais pour t'acheter une planche à neige, pour t'acheter des nouvelles bottes. Ou simplement pour pas t'endetter. Tu sais, parce qu'on sait, là, tu sais, souvent, bon, c'est facile, là. Tu veux un ordi, tu y vas. Mais là, tu peux prendre comme ça paraissait pas, mais t'en arrière. Tu peux prendre comme résolution, vraiment, d'attendre d'avoir l'argent. Oui, c'est ça. Avant de l'acheter bon, à crédit. Mm. Oui, tout à fait. Puis. Parce que c'est ça, c'est pas facile de dire moi j'économise. OK, mais t'économises pour quoi? Mais justement, tu sais, si tu te dis je veux m'acheter un ordinateur, mais je veux pas l'acheter à crédit, ben tu te dis j'économise. Pour m'acheter un ordinateur. Pour m'acheter un ordinateur. C'est une très bonne idée, mais c'est dur d'attendre. C'est de le nommer. Non, ouais. mais c'est de le nommer. C'est important ouais, c'est de le nommer pour ouais. te dire j'économise, je veux contribuer parce que mes parents veulent acheter un spa, mettons. Génial. Tu vas-tu nous inviter? On pourrait faire une émission dans le spa? Ah oh, ouais. Ben original, ça serait trop le fun. Ça serait bien original. J'adorais ça. Non, en fait, c'est pas original du tout. Ils ont fait la boîte. Tu savais ça, quoi. Donc, c'était bon. C'était sexy. Ça fait de la bonne radio, ça. C'est vraiment différent. Ah ouais. Hein. Ouais. C'est bon pour les micros, en plus. Sûrement, en plus, ouais. Bon, on va continuer dans ma liste. Hey, Myriam. Donc, donnez plus. Recevez moins. Non, mais donner plus, donner une chose par jour. C'est, non, mais attends. Une chose par jour, une chose par semaine. Mais c'est parce que je trouve que c'est un beau concept. Tu sais, c'est sûr, bon, t'as le concept donné au suivant. Mais je trouve que ça fait un peu différent dans le sens que tu peux donner, mettons, ça peut être un service, un objet, un vêtement que tu n'utilises plus. Tranche de vie. Ouais. Tranche de vie. OK, ça fait quand même longtemps. Ça doit faire peut-être 3 ans. J'avais, en tout cas, j'avais ma golf. Non, mais, c'est lui qui compte les années en charge. Ah, je change quand même souvent d'auto. Mais je vais mettre de l'essence au Petro-Canada, aux 5 coins. Mais il y a un gars qui m'a payé 20$ de gaz. Ben arrête donc! Je te jure, puis il dit. Puis il me l'a pas dit, en fait. Il m'a ouvert la porte. En fait, je suis allé t'inquiéter, mais je l'ai vu, mais tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de bonne humeur. Tu sais, je fais un sourire aux gens que je connais pas. Ben oui, c'est correct. Ouais, j'ai une anecdote j'encourage par rapport à ça. Le gars, il était assis, il m'a fait un sourire, puis en fait, je l'ai vu, il s'est levé, il est rentré en dedans. Quand j'ai fini, j'ai mis 20$. Je l'ai croisé, puis le gars, il dit bonne journée, avec un sourire. Puis là, j'arrive là, je dis bon, tu sais, je vais payer mon gars. La fille, elle dit ben non, c'est le gars qui l'a payé. Hein, je comprenais rien. Ah, wow! Hey, puis, ouais, mais je l'ai jamais oublié. Je l'ai jamais remis, par exemple, mais je vais le faire. Ça, okay, okay. C'est bon. Mais justement, ouais. Qu'est-ce que tu fais après l'émission? Faut que j'aille à station-service. Non, mais fais-moi moi, sourire. Puis... Ben, parlant de sourire, ouais. quand j'étais petite, je me souviens, ma mère m'a raconté ça. Là. Je me souviens plus ou moins vaguement de l'événement en question. Sauf que. Je parle tout ça de ma mère, ils ont bien d'agacant. C'est un peu. Mais, ouais. Bref. Pourquoi elle vient pas la prochaine? Ouais. Je vais y en parler. Pour vrai. Pourquoi pas? Je vais en parler. Ça serait le fun. Résolution. Je sais pas si ça va y tenter. On pourrait savoir tes petits secrets. Honnêtement, ça me surprendrait que ça y tente, là. Mais je vais sérieusement lui en parler. Parfait. Mais, bref, c'est ça. Donc, je me promène avec ma mère, puis. Moi aussi, là, je suis genre à faire des sourires dans la rue, puis des fois, ça m'attire des « Hey, salut, ça va? Oui, ça va. » Je comprends. Hein? C'est vraiment vrai bizarre. Ouais, mais pour une fille, c'est autre chose. Ben, ouais, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, des affaires de même genre. Du monde que je connais pas, je fais un sourire, puis c'est comme « ça va? » Ils s'arrêtent. Oui, je te faisais juste... Mais en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi tu leur souris. C'est ça. Je te connais-tu? Les gens sont déstabilisés. Ouais. Enfin, bref, je dois avoir à peu près 5-6 ans. Je fais un sourire à une madame, et la madame reste de glace, elle garde son air bête. Ça arrive. Hein. Et là, en larmes, je dis à maman, « Mais maman, là, j'ai gaspillé un sourire, la madame, elle m'a pas fait... » Ben là, maman, elle me dit, « Ben non, Myriam, parce que la prochaine fois que cette madame-là va rencontrer une petite fille qui va lui faire un sourire, ben elle va y en faire un, tu sais. » Je pense. Ben, regarde. Venant d'une mère, ça a l'air. Ben oui, là, c'est ça. T'sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement vrai, mais en même temps, ça, c'est pas nécessairement faux non même plus. Même si on est bête. Il y a du monde qui sont des airs bêtes dans la vie. Ouais, mais c'est parce que supposons que moi, je te croise dans la rue, je te fais un sourire, ben tu sais, peut-être que tu vas dire, ben voyons, quelqu'un qui me fait. Ben, je vais faire des sourires moi aussi. Tu sais, ça se peut que t'aies un acquis de conscience. Peut-être, mais c'est ça. Chasse naturelle, il reviendra au galop. Il y a du monde qui, tu sais, il est même pas capable de dire salut quand il connaît. C'est de même. Il y a du monde de même. Il y a du monde de même. C'est tout qu'on passe. Mais des fois, un sourire, c'est mal à l'aise aussi. Ben non, mais ça dépend. À certaines circonstances. Tu sais, exemple, tu croises toujours la même personne, c'est correct. Tu sais, fais sourire, mais à un moment donné, c'est parce que je sais pas. Ouais, c'est-tu. J'ai entendu une anecdote là-dessus. Quelqu'un que je connais, c'est qu'à un moment donné, il disait bonjour à quelqu'un qui croisait tous les jours. Puis bonjour. Puis à un moment donné, la personne, la fille, a surveillé. Puis elle a dit hey, t'es pas obligé de me dire bonjour à chaque fois que tu me croises. What? Ben voyons. Ça prend 3 secondes. Oh, ouais, mais tu sais, ouais, en même temps, écoute, des fois, c'est ben pas non, ta journée. Là, mais ouais, mais arrête, là. C'est pas comme ça, si c'est être vraiment bête, là. Mais oui. Oh, non, hey, mais... yeah, wow, là. T'es pas obligé de me dire bonjour. Non. T'es pas... Ça passe pas avec moi. Ben non, je suis pas obligée, je le dis, c'est tout, parce que j'en ai envie, parce que je suis quelqu'un de sympathique dans la vie, tu sais. Ouais, mais attends, je me promène... au centre-ville, ben, tu sais, je m'en vais travailler, mettons. Mais sur le chemin où je m'en vais travailler, je croise beaucoup de mes clients, mettons, qui me reconnaissent. Fait que là, je leur dis bonjour. Salut. Bonjour, blablabla. Mais souvent, je croise une personne âgée qui passe à côté de moi. Je vais lui faire un sourire, mais même une personne de mon âge aussi. Puis même encore, c'est plus touché, hein? Les personnes de ton âge ou plus jeunes que toi. Oui, et sexe opposé. Je sais pas. Ben, c'est sûr. En même temps, c'est con, mais tu sais, mettons, je te croise au centre-ville, OK? Puis tu me fais un sourire. Non, mais tu sais, pour que. Ah oh, ouais, mais que là, tu te fais un sourire. Non, mais tu comprends ma réflexion. Ouais. Tu sais, dans le sens où, tu sais, mettons, on croise Mathieu, puis fais-lui un sourire. Ben, Mathieu, ça va être une belle journée pour lui, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, non, mais là, franchement. Non, mais est-ce que tu comprends? Ouais, oui, mais moi, dans ma tête, là, honnêtement, quand je fais mon sourire, je le fais sans distinction de genre, de nombre ou de race. Non, je vais le faire à n'importe qui. Ouais. N'importe qui. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y en a que je fais « Oh mon Dieu! » Non, des fois, tu regardes ailleurs. Ben, c'est parce qu'on s'entend que des fois, il y a des... Au centre-ville, en particulier, il y a des spécimens. Il y a du monde à qui... Tu sais, c'est mieux de pas les regarder parce que... C'est mieux de pas passer sur ce côté-là de la rue. Mais c'est plate, par exemple. Ouais. C'est plate de devoir penser comme ça. Mais moi, je sais, mais c'est de même pareil. Malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage. Bref, dans l'optique d'être une meilleure personne, essayez donc ça aujourd'hui. Faites un sourire à une personne que vous connaissez pas. Mm-hmm. Dites bonjour, tout simplement. Ouais. La résolution de faire une bonne action par jour, aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Le fait de donner, en fait, je parle de donner, mais c'est de faire, de donner un service, c'est comme faire une bonne action. Sans rien attendre. Ouais. Faites le ménage de vos vêtements. Allez porter ça, là, dans... Ça, c'est vrai. Les artisans de la paix. C'est tellement facile, ça prend vraiment 15 secondes de faire ça. Arrête, là. Moi, j'ai fait un gros ménage dans mes vêtements. Tu dois en avoir. J'ai une poche de linge dans mon char. Sûr, hein? Ça fait deux, trois mois qu'elle est là. Puis je pense jamais aller le mettre dans le bac. Fait que là, il faudrait que je fasse ça. Mettons, cette semaine, je pourrais me dire, je vais faire ça. On le fait à ça, c'est facile. Je trouve ça prend pas trop de temps. Facile. On parlait tantôt de donner au suivant, là aussi, être plus naïf envers Chantal Lacroix et ses émissions de son naturel. Encourageons Chantal. Encourageons les pieds sur la table qui fait qu'elle peut la lever avec ses mains. Encourageons ça. Alors voilà, bonne résolution. Puis à la semaine prochaine. Oui, merci. Myriam. Merci beaucoup. Excellent. Salut. Si je pouvais faire chevirer la table pour toi, je le ferais, mais très lourde celle-là, je pense. Ouais. Mais attends, je le fais pour toi. J'ai des pipes maintenant. Elle a embrassé ses pipes et a donné plus de pipes encore. Oh, wow. T'es toi. Super. Ouais, ben à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Merci. Tu restes avec nous pour la émission? Ben, je peux rester un peu, pourquoi pas? Merveilleux. De quoi on parle? On va prendre une petite pause musicale pour commencer, ça fait une demi-heure qu'on parle. Retour de pause! Petite musique, retour de pause après. Pour l'instant, on va écouter E. Watson avec la formation The Decemberists. Sur l'album Long Live the King à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.5. Yeah, painted pallor gray, the storm was coming in. Folks were lining out in all directions. Me and Hood and Henry Short were pitching on the skiff, trying to make it home before the night. And the gray waves were rolling, bowled the brave, brave ocean and rolled us suckers in.

Interpol avec la pièce Obstacle numéro 1. Dit-il, ah oui? En chantant les dernières notes. Hey, Canel, non? Prino? Non, c'est qui, ça? C'est Marianne! Je vais pas voir Bart. Hey! Ah, Bart! Tu l'as bien, Bart. Oui, Bart, c'est ton meilleur. Bart, c'est un champion. Un champion? Non, j'aime tout le temps ça faire Bart. Je sais pas c'est si. C'est quand j'ai découvert que j'étais capable de le faire, ça, c'était hot. Mon effet. Hey, tu fais ça, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, Myriam, pendant qu'on a le temps, qu'on n'a pas Yann Martel aujourd'hui, qui va être de retour la semaine prochaine, ouais. Yann Martel avec sa chronique financière, tu veux nous parler de choses sanguinolentes. Tout à fait. Ben moi, je suis quelqu'un de sanguinaire. Oui, tout à fait. Mais quelque chose que ça je me trouve plaît, important, me plaît. C'est de donner du sang. Non. Ça me plaît, wesh. C'est un jeu de mots. Mets ta langue dessus. Chose qui est très importante pour moi, c'est justement de donner du sang. Ouais. C'est niaiseux parce que cette année, ce sera la première fois que j'en donnerai. Ben, c'est pas niaiseux. T'as toujours voulu le faire. Ouais, j'ai toujours voulu le faire. Puis là, c'est cette semaine que ça va se passer. Ouais. J'espère que je vais pouvoir en donner. Mais... Moi, j'aimerais bien connaître le questionnaire avant de me déplacer. C'est okay. Con. Il pose beaucoup de questions. C'est ouais. Et ils devraient le publier sur leur site internet. Je sais pas. Peut-être qu'il est là. Emma Québec. Il y a sûrement quelqu'un qui a fini par le copier. On va voir, je l'ai, mais c'est parce que vu que je suis sur mon iPhone, ça va mal. Là, ça va si tout je vais le temps aller mal. Voir. Ouais. Non, ça va pas tout le temps mal. Là. Ben, pour chercher des informations, moi, à date. Non, mais c'est parce que j'ai une information là, dans mes mains que je veux garder. Fait que si je vais chercher une autre information, je vais être tout mêlé. Ouais. Fudge! Donc, au Centre Les Rivières, alors c'est le 12 et le 13 janvier, donc jeudi et vendredi. Demain et après-demain. Cette semaine, tout à fait. Alors, idéalement, il faudrait que j'y aille demain, là. Alors, je pense à ça. Là. Bref, c'est de 10 à 20h30. Alors, vous allez là. Puis là, vous passez, c'est un petit formulaire à remplir, en fait. Puis là, j'imagine qu'il faut que tu apportes ton carnet de santé là, avec ton. Parce que là, moi, je me souviens plus c'est quoi mon type de ça. C'est A quelque chose, là. A négatif, je pense. Oui. Mais tu sais, faut. T'es pas de donneur universel ou rien. Là. Non, ouais. Malheureusement, j'aimerais ça. Je me sentirais tellement spécial. Utile dans la vie, mais oui. Oh, non, tu pourras pas, je pense. Vous ne pouvez donner du sang si injection intraveineuse, même une seule fois. On parle de drogue ici. Voyons, c'est quoi ce commentaire déplaisant-là? Déplacé, là. Oh! Ça arrive juste une fois. Mais non. Mais non, mais je pense que je pourrais donner du sang. Je vois pas vraiment pourquoi j'ai pas d'ennui de santé puis tout ça. Donc des fois on est surpris, mais bon. Si t'as mal à la gorge, tu peux pas. J'ai pas mal à la gorge. Que? Je vais le réclamer haut et fort. T'arrives là, je n'ai pas mal à la gorge. C'est la première chose que tu lui dis. Bonjour, vous venez donner du sang, j'ai pas mal à la gorge. En disant que tu caches quelque chose, hein? OK. Mais c'est vrai, c'est quand t'arrives aux douanes, tu dis j'ai rien à déclarer. C'est sûr avant qu'ils te le demandent. C'est sûr que t'as de quoi te pogner entre un petit orifice quelque part. Entre les dents. Ben, c'est un orifice. Hein. Je voulais pas dire d'autre chose, là. Hein? T'as de quoi te pris dans le pet. Bon, fallait vraiment qu'elle aille jusque-là. Hein? Wow. J'aurais pu dire Foufoune aussi. Ouais. Foufoune, c'est drôle. Bref, voilà. Ok, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était important. C'est sûr que là, c'est pas aussi long que la chronique de Yann Martel, mais déjà que tantôt, je vous ai conseillé d'économiser. Alors, je pense que je fais ma part. Ton travail est accompli. Yann. Ben oui, du côté du Yann. Tu sais, mon bord de Yann là, est assez pris. T'as Yanné ça full au max. J'ai Yanné ça au max. Voilà. T'as bien raison. Yanné ça, là, je vous le martèle, là, j'arrête pas. Ah! Oh! Oh! Ha! Oh! Ha! Oh! Ben, tu es content d'entendre ça. Je trouve que ça a jamais été fait. Ben oui, ça me fait du bien. Martèle-moi n'importe quoi, ça me fait du bien. Ouais. Non, mais pas de te marteler, mais de faire un jeu de mots à ton image. Oui, merci à ma hauteur. Ça fait plaisir. C'est ça. Alors, donc, voilà. Hey, merci. Merci, Myriam. Merci. C'est un plaisir. Rock donc, allez-y en grand nombre. Il paraît qu'il y a des jus, des produits. Il y a tout le temps des jus. Ok, tu vas là pour ça. Ouais, moi, je vais pour le cocktail. Cocktail. Un petit cocktail après. Il y a des petites saucisses. Des petites saucisses. Cocktail, des petites saucisses. Non, mais tu sais, au lieu de nous donner des petits biscuits lus, ben là, oui. Des goglus. Ouais, c'est ça, je voulais dire des goglus. Ouais. Des biscuits lus, il y a du chocolat dessus. Ça, c'est de la grosse qualité. Wow. Mais non, c'est vrai, je me souviens quand j'étais au primaire, là, on se faisait vacciner, mais on avait tout le temps du jus de raisin et de dégueu, puis des biscuits goglus. On peut savoir quelque chose de plus hot que ça. C'est sûr que moi, j'aime pas le jus de raisin. Oh! Pas mes raisins, passe encore. Jus de raisin, ça passe pas. Non? Vraiment pas? Pas capable? Ça dépend des sortes. C'est louche. C'est louche? Ça goûte. Du croche au raisin. Ah, ça, c'est bon. Les boissons gazises aux fraises et aux raisins. Ouais, mais là, on fait attention, fait que non. C'est vrai qu'on fait attention. Ça, la liqueur, j'ai réussi à slacker pas mal. Non, tant mieux. Ta résolution? Moi, j'en bois pas. Pas vraiment. Non, t'en bois pas tout à fait ça? Mais non, c'est pas que j'aime pas ça. Là. C'est que je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Ouais, l'idée, c'est qu'il faut comme pas t'en achètes. Ça. Ouais, ça, quand t'en achètes pas, t'en bois pas. Ouais. François, on entend beaucoup ton plat de. Ouais, ok, j'arrête. Ah non, continue, mais dans le micro à la place. C'est bon pour l'instant. question que tout le monde entende. T'sais? Tantôt, je coupais les ongles devant moi, tu sais, là. Clac, on entendait ça, on entendait ça. Clac, clac, non, c'est vrai. Hey, on peut pas se garder une petite joint? Non, pas avec mais moi. Mais non, tu te coupais les ongles. Dans ma face, fait que toi, ouais, tu pourrais te garder une joint de moi en allant le faire aux toilettes tantôt. Mais bon. Une de mes tantes travaillait dans un pizzeria 67. Okay. Et un jour. Pas, ça part ça. Mal. Quelqu'un. Une madame. Ah oh, non. Non, non. Qui se coupait les ongles d'orteil. Mais non, pas d'orteil. Mais ça, je faisais tantôt. Ah oui? Pas vu. Mais non! Ouais, mais au restaurant! Franchement, ah, au restaurant. Tu parles de. Mais c'est l'été, t'es en sandales! Mais non! Hey, ouais, non, je peux pas dire ça. Ah, là, trop ouais, tard, hein? Trop tard! Je connais quelqu'un qui s'est rongé. Les ongles d'orteil ouais. Au restaurant? Au restaurant? Non, non, non, moi. Ah, dans la vie. Ok, donc. Ouais, c'est mais au pas, si tu le fais chez toi, c'est pas pire, là, mais. Pas devant ta longue, tu sais, tu le fais chez toi et. Oh! Fructe! Ah, ah, dégueulasse. Merci, ah, Ariane. Ah non, c'est dégoûtant. Tu mets des belles images dans la tête. Mais c'est la mousse de nombril. Ah oui, c'est la mousse de nombril, non? Yeah. Wesh. C'est ça, tu le relèves à tous les jours, là? Pas au restaurant. Oh, au restaurant. Ouais, wow, il se passe plein d'affaires. Au restaurant, yeah. Dégueulasse, dégueulasse. Va aux toilettes, au moins, au moins. Même aux toilettes. Fais ça chez vous. Oui. Ben d'accord. Ouais. Tu as une salle de bain chez vous? Deux. Tu peux t'en servir. Ouais. Dans la petite vie rénale, là. Ouais. Marc Labrèche? Oui, ben à un moment donné, lui puis... Non, c'est pas pour... Non, pour... Non. C'est... Ah, ça, je peux voir, non, ça, je m'excuse. Inquiète-toi pas, je le sais. Regarde pas que c'est Pinson. Pinson, en fait, c'est ça, Pinson puis Creton divorce. Okay. Puis Creton, là, spoiler, est bien tanné de marcher sur ses ongles d'orteil dans... Les ongles d'orteil de Pinson? Dans la salle de bain, les ongles d'orteil de Pinson. Fait qu'elle dit, c'est pas des farces, faut quasiment être fakir pour moi. Dans la salle de bain. C'est parce que... Il ramasse ses ongles, puis il met dans un sac Ziploc, puis il vide sur le plancher de la cuisine de ses parents, puis il dit à son père, « Marcheriez-vous-tu voir? » Il dit, « Ah, oh, ben j'aime bien ça, tes petits ongles, ils marchent dessus, tu sais, puis il y en a sur ses... » C'est bien drôle. Wow. Écoutez ça, la télé, c'est vraiment drôle. Oui. Oh, ouais, pendant le temps des fêtes, ils en font passer. Ouais, il y avait un blitz. C'est ça, puis en plus, il y avait l'émission spéciale, genre « Behind the scenes », le genre historique de la petite vie. C'était super bon, j'ai écouté ça, puis ça m'a donné envie d'écouter la série. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai le coffret chez moi, si tu veux, je te le prêterai. Oh, ben tu seras fine. Cool. Je vais t'apporter ça la semaine prochaine. C'est bien fine. C'est bien bon. Vraiment fine. Ouais. J'ai eu ça à Noël. Ah oh, ouais? L'année passée. L'autre avant. Fait que t'es cadeau de ma vie. Fisher Price m'a jamais offert de cadeau plus beau que ça. Ah, wow, wow, wow, t'as là. T'as jeu. Ah ouais. Ils ont les bons produits, ça. Ben, ça, puis de la Play-Doh. Play-Doh, oui, OK. Ah ouais, la pâte à... Play-Doh. Ça sent bon, aussi. Ouais, oui, mais ça, il y en a toutes les sortes, ça. J'ai joué à Cranium, en fait, cette semaine. Pour vrai? C'est bon à ça? Ben, à la pâte à modée, moi, je suis le meilleur à la pâte à modée. À la pâte à modée. Hey, mon frère, il avait dit qu'il fasse un homard. Mal. Hey, il était très hot, son homard. Ouais, pas de farce. Wow. C'est ça. Eh ben. Franche vie. Super, ça. On s'écoute une pièce de The Cat Empire, une nouvelle entrée du palmarès anglophone sur leur nouvel album Cinéma. Voici Waiting 89 FM. Puis après ça, bon, on revient puis on se dit bye-bye. Comme un crabe avec les mains. Bye bye! Bye bye! This is the last time I will follow you. This is the last time I will follow you at all. It's woman, you're my trouble. Trouble and despair, my only care is standing and waiting when you're out there. The wind comes down and all our youth is in loose pages. The wind appeared like you and left the place. de Cat Empire à Assemblage Requis. C'est sur mon nouvel album Cinéma et ça va être une nouvelle entrée dans le palmarès de jeudi entre 14h et 17h que je vais animer avec Jasmine Raymond-Drainville. C'est très bon, je trouve. J'aime ça. Oui, ben j'adore ça, Cat Empire. Ouais. Super bon. Merci. Très bon. Avant de se quitter, on parlait en ronde et nous, quand on parle en ronde et que la pièce est sur le bord de finir, on se dit, ben, crime, on va le raconter en long. On parlait tantôt d'une histoire de perroquet super triste, mort. Mais toi, tu voulais nous parler d'un hamster, mort. Ouais, puis là, j'ai peur que la pita soit après moi, là, l'association quand j'ai compté ça. Mm-hmm. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que, bon, mon premier hamster que j'ai eu, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai le hamster et puis, il conseille de laisser 24 heures dans la cage pour que ça acclimate avant de le prendre, de le manipuler, puis tout ça. Donc, je le laisse. Non, mais je l'ai laissé, puis tout ça. Mais après ça, quand je suis venue pour le prendre, bon, là, je joue un peu avec, on s'apprivoise. Puis, à un moment donné, je me rends compte, puis là, je vais vraiment, j'en reviens pas, je compte ça, j'ai l'air tellement innocente, mais j'ai du sang dans ma main. Fait que là, je fais, ben voyons donc, dis-moi pas que mon... Ça, c'était le tien. Ouais, là, je me dis, dis-moi pas que... Non, c'était pas mon sang à moi, là, c'était le sang de hamster. Ouais, mais c'était ton hamster. Oui, c'était mon hamster. Là, je me dis, ben voyons, dis-moi pas que mon hamster est menstrué. Eh oui, rien comme vous voulez, là, j'ai eu cette réflexion-là. Et moi, dans ma soif de connaissance, j'ai appelé à l'animalerie. J'ai appelé, c'est parce que là, mon hamster, je pense qu'il est menstrué. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ça n'a pas de bon sens. Et la fille de me répondre, non. C'est pas menstrué, hamster. Fait que là, moi, je dis, voyons, qu'est-ce que je fais? Ben là, elle dit probablement qu'il y a une petite infection, tu sais, au niveau rectal. En tout cas, elle me conseille de prendre du polysporin, de le mettre au bout d'un Q-tip. Hey, là, je viens juste de l'avoir, faut que je le soigne, tu sais. Ouais. De le mettre du polysporin, puis tout ça. Puis là, tu sais, évidemment, bref, en tout cas, il y avait une grosse infection et le pauvre en est mort. Fait que là, j'en ai eu un autre parce qu'on l'a ramené à l'animalerie. Le wow, là, la garantie, là, je l'ai acheté hier, tu sais. La garantie prolongée sur un hamster. Ça se peut-tu que je n'ai eu un autre? Fait que, ils m'en ont donné un autre et là, celui-là, je l'ai toffé quand même un bon moment. Jusqu'à l'été, mettons. Ben, en fait, oh! Mais pas si longtemps que ça, finalement, ma fête, c'est au mois de juin. Whoops! Eh hey boy! Jusqu'à l'été, mettons là, le mois suivant, tu sais, je lave la cage, puis je me dis, je vais la laisser sécher au soleil. Fait que le hamster était pas dedans, là, évidemment. Mais je l'ai mis dans sa boule, tu sais, parce qu'il y a des boules, là, ils se promènent là-dedans. Pour marcher, ouais. Donc, je le mets là-dedans, puis bon, je m'en vais me baigner. Évidemment, je ferme les portes pour pas qu'il déboule les escaliers. Mais mon frère rentre dans la maison, puis bon, je me suis peut-être baignée longtemps. Là, je me suis... Tout l'été, le pauvre hamster était coincé après un meuble avec sa boule. Puis là, il était sur le côté. Mon frère me disait, c'est parce que ton hamster file pas. T'sais. Il était sur le côté. Hey, on a essayé de le réanimer. Mon père, il a quasiment fait de bouche à bouche parce que la fois précédente, j'avais tellement pleuré à cause de l'infection. Allez, il soufflait dans la face. C'est pauvre papa. Ouais. Puis finalement, c'est parce que c'est ça, il est dans sa boule, puis il force pour avoir de lait, pour se sortir de là, mais il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, fait qu'il n'y a pas de quoi se ravitailler. Pendant vraiment beaucoup trop longtemps, tu t'en es pas rendu compte que tu payais aussi longtemps? Non, mais là, c'était pas 3 heures, là, mettons, okay. Là, mais assez pour qu'il s'épuise, c'est pas gros cette bête-là. Là. Non. Fait que finalement, le pauvre est décédé. Je l'ai enterré. Toi, les animaux de compagnie, hein. Puis là, ça a été fini? Fini comme ça. J'en ai pas racheté après là, parce que. D'autres animaux, est-ce que t'en as acheté d'autres? Est-ce que t'en as tué d'autres? Sorte de animaux. J'ai eu des poissons. Des poissons? Des bêtas. Ouais. C'est beau, les bêtas. Il s'appelait Arnaud. Bon. Ben, merci, Myriam, pour cette tranche de vie. C'est triste un peu de finir sur une note comme celle-là. Ouais. Le poisson de ma coloc s'était suicidé, je me suis. Écoute, il sautait parfait. Hein, oui. Hein, non! Ouais, ça arrive. Arrête, pour vrai, ils font ça. Des fois. Ben là, il se rappelle de rien. Comment tu vas être malheureux si tu te rappelles de rien? Non, mais probablement que c'était pas par malheur, là, ni par détresse. Là. Tu dis, c'est suicidé, mais non, il a fait un accident. Là. Lui, il a voulu aller un peu plus haut, un peu plus loin. Il a sauté, puis il est tombé. Là. Toujours un peu plus haut. Ah, un peu plus loin. C'est triste. Il a voulu faire comme Ginette. Oui. Belle inspiration, Ginette. Merci. Donc, et on se retrouve demain, nous, à Assemblage Requis, pour une autre émission. On va être jeudi demain, François. Oui, ça va être super bon. Une émission de jeudi avec Simon Fitzbay. Oui, et François Landry. Oui. Deux bonnes choses. Oui. Hey, faut que je me sente insultée. Ben non. C'était une bonne chose aussi. C'est une blague. C'était une très belle chose. Une très bonne chose. C'est bien gentil. Restez sur nos ondes tout à l'heure. Ouais, quand même. Ouais. Après la sécheuse, la traditionnelle sécheuse, il y aura SPM de gars à 10h avec des sports politiques. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, en tout cas, ce que je sache, dans sa nouvelle case horaire à 10h. À 11h, sera le dîner de con avec Denis Janvier. Et puis plus tard, à 17h, soyez là pour Kim Bergeron et son émission 6 degrés qui change de case horaire. Elle descend ou monte d'une heure, dépendant de comment vous regardez les choses. Et après ça, il y a le lobby à 19h et puis c'est à 21h. Encore une fois, c'est le début de la session, donc aucune idée qui commence quand, mais c'est la programmation régulière, ça. Donc on verra ce qui se passera. On se quitte avec une autre nouvelle entrée du palmarès. C'est du côté francophone cette fois-ci. C'est la formation On a créé un monstre sur leur album L'Iceberg. On va se quitter avec 5.0. Puis passe une belle journée, François. Merci, toi aussi. Merci à Jasmine Raymond-Drainville. Merci à Myriam Fugère. Salut! Merci! Salut, Bart! Salut, Bart! Hey, salut, là! Yeah. Dernier petit coup de main. C'est la première journée. Comme un sourire. Comme un sourire. Cling! Ça sort de notre pompe, ça nous traverse la terre.